il faut choisir. Parce qu'au fond, c'est un peu plus duré. Tu dois partir. Ou bien tout peut recommencer. Pourquoi mentir? Tu peux délivrer mon cœur. Maintenant, tu le sais, voici l'heure de choisir. Pour toi, pour moi, il vaut bien mieux que tout soit plus clair. Crois-moi, parfois, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Il faut savoir se dire sans détour ce qu'on a sur le cœur qui détruit lentement l'amour. Tout ce que j'avais à te dire, maintenant je te le dis. La réponse que je désire, je l'avais aujourd'hui. Il faut choisir, c'est à toi de décider. S'il faut détruire tout le présent et le passé. Pourquoi mentir? Tu peux délivrer ton cœur. Maintenant tu le sais, voici l'heure de choisir. Maintenant tu le sais, voici l'heure de choisir. Il faut choisir, mais oui, il faut choisir, baby, il faut choisir.